20 ans déjà, et toujours la controverse, le mystère et les mensonges. Je veux parler de Tchernobyl, la plus grande catastrophe du nucléaire civil, l'équivalent de 100 bombes d'Hiroshima, un territoire contaminé au cœur de l'Europe, incluant quasiment toute la Biélorussie, une petite partie de l'Ukraine et de la Russie, et couvrant au moins 130 000 km², soit le tiers de la France. Un territoire sur lequel vivent toujours 9 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants. Et, malgré le temps, les conséquences demeurent. Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a même pu parler d'une catastrophe en devenir. Rappelons aussi que l'Europe centrale n'a pas été la seule région à être touchée. Les pays scandinaves aussi ont été survolés par le nuage radioactif et, contrairement à ce que prétendaient les autorités tant scientifiques que politiques, la France aussi a reçu sa part de radionucléides. Le prix Nobel Georges Charpak a ainsi estimé que les retombées de Tchernobyl pourraient provoquer 300 cancers mortels dans notre pays. Toutefois, soyons prudents. Les chiffres, tous les chiffres, donnent lieu à de vives polémiques entre les pros et les antinucléaires. En 2001, par exemple, affirmant qu'il n'existe aucune preuve validée internationalement d'un impact sur la santé publique qui soit attribuable à Tchernobyl par exposition, le représentant de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, le docteur González, fait état de 31 morts avérées et de 2000 cancers de la thyroïde chez les enfants. 4 ans plus tard, la même organisation admet 4000 décès effectifs et à venir, tandis que d'autres experts parlent de dizaines de milliers de morts. Alors, pourquoi M. X s'intéresse-t-il à Tchernobyl? Parce que, dit-il, cette affaire dissimule encore de nombreux secrets politiques, militaires, sanitaires et même scientifiques. Un dernier mot avant d'écouter M. X. Malgré la tragédie, l'humour n'a jamais été oublié. Ainsi cette blague qui a circulé dans l'ex-URSS. Question. Est-ce qu'on peut manger des pommes de Tchernobyl? Réponse, bien sûr que l'on peut, à condition d'enterrer profondément le trognon. Depuis que la fin de la guerre froide a mis un terme, enfin au moins théoriquement, à la perspective d'une conflagration mondiale, je crois qu'on n'a jamais autant parlé du nucléaire. Le nucléaire militaire, bien sûr, avec l'Iran ou la Corée du Nord. Oui, et puis le Pakistan et l'Inde, hein, qui sont devenus des puissances nucléaires. Hein. Oui, mais aussi le nucléaire civil. La France vient de passer des accords avec l'Inde et va bientôt se doter d'une nouvelle centrale. Une initiative vivement contestée par les mouvements écologistes. Et aux États-Unis, le président Bush, qui a lui aussi passé des accords avec l'Inde, a récemment décidé qu'il fallait relancer le programme de construction de centrales. Alors, autant dire que le sujet est sensible. Et polémique. En effet, oui. Et c'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne le drame de Tchernobyl. Pour les uns, cette catastrophe devrait inciter tous les pays à renoncer au nucléaire civil, qui est une source permanente de danger. Oui, parce que d'autres Tchernobyl pourraient se produire. Ah, tout à fait. Mmh. Et pas seulement dans une centrale du type Tchernobyl. Mais on en reparlera peut-être. Hein. Pour l'instant, disons simplement que de nouvelles explications scientifiques sur l'origine de la catastrophe ouvrent des perspectives assez effrayantes. Pour les autres, les pro-nucléaires, non seulement on a exagéré les conséquences sanitaires de Tchernobyl, mais l'explosion est le résultat conjugué d'une technologie obsolète et de l'incurie ou du jugement-foutisme des personnels de la centrale. Ouais. Bref, enfin, Tchernobyl serait une parfaite illustration des tares du système soviétique. Oui, c'est à peu près ça. Et disons-le tout de suite, cette controverse a rebondi jusque dans les plus hautes instances de la communauté internationale, à travers deux organisations qui dépendent de l'ONU, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et l'AIEA, l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique. L'OMS ayant le plus grand mal à imposer son point de vue face à l'AIEA, qui apparaît comme étant le porte-parole de l'industrie nucléaire. Le lobby nucléaire, vous voulez dire? Bon oui, on peut dire les choses ainsi. J'ajoute qu'un accord conclu en 1959 entre les deux organisations internationales oblige l'OMS à ne plus effectuer d'enquête sanitaire, si celle-ci risque de nuire au développement de l'industrie nucléaire. Ah oui, alors, en l'occurrence, l'OMS est donc quasiment impuissante. Hein? Oui, c'est exact. Oui. Ouais. De mon point de vue, c'est excessivement grave. Mais remontons à la genèse et essayons de voir tout ça de plus près. C'est-à-dire l'origine de la catastrophe? Non, non. Pour bien comprendre, il faut encore remonter plus loin. C'est-à-dire pratiquement à la naissance de la recherche nucléaire en URSS. L'utilisation de l'arme atomique par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale a provoqué un véritable traumatisme au Kremlin. Oui, parce qu'il fallait que l'URSS se dote au plus vite d'une arme équivalente. Hein. Évidemment. Et bien avant Hiroshima et Nagasaki, les Soviétiques avaient commencé des recherches. Beria, en charge de ce domaine, a eu tout pouvoir pour aboutir à la construction de la première bombe A. Et vous le savez, il va rapidement effacer le retard soviétique, grâce en particulier au formidable réseau d'espionnage qu'il a mis en place aux États-Unis. Mmh. Inutile d'y revenir, car nous en avons souvent parlé. En tout cas, le résultat, c'est que dès 1949, Moscou possède la bombe. Il faut dire aussi qu'il existait en URSS de très grands savants. Hein. Vous avez parfaitement raison, des gens comme Sakharov ou Alexandrov. Quoi qu'il en soit, ce succès très spectaculaire va déterminer la suite. Le nucléaire soviétique sera désormais étroitement dépendant de l'armée et de ses méthodes. Et bien sûr, aussi des organes de sécurité, comme on disait dans l'ex-URSS. On va donc y développer la culture du secret. Mmh, oui, le nucléaire civil aussi? Oui, c'est si vrai que les premières centrales qui vont être construites auront donc comme objectif la production de plutonium à usage militaire. Pour les bombes, mais aussi pour la propulsion des sous-marins. Et l'électricité, alors? Elle passe d'abord au second plan. Mais ça ne va pas durer. Vous connaissez bien sûr le slogan de Lénine. Le communisme, c'est le socialisme plus l'électricité. Oui, par conséquent, connu, oui. Le pouvoir soviétique qui rêve de dépasser un jour la puissance états-unienne se lance dans une gigantesque entreprise de construction de centrales nucléaires. Alors même que pour assurer son indépendance énergétique, l'URSS pourrait se contenter d'exploiter ses énormes sources d'énergie fossile. Oui. Donc ça va lui coûter aussi très cher. Oui, à tout point de vue, oui. Car le corollaire de ce secret qui est imposé dans tous les domaines de l'industrie nucléaire, c'est un mépris fondamental pour l'homme. La vie humaine, c'est ça? Oui, puisque tout doit rester secret. Les apparatchiks du nucléaire peuvent sacrifier des hommes sans que cela se sache à l'extérieur. Et là, vous évoquez les manquements à la sécurité. Exactement. Mmh. Car sous la protection de ce secret qui couvre des régions entières, techniciens et populations civiles sont traités comme des quantités négligeables. Seul compte la réalisation du plan. Mmh. Alors, avant Tchernobyl, il y a eu d'autres accidents. Plusieurs, oui. Sans parler de coupables négligences, comme le déversement d'effluents radioactifs dans les rivières. Alors, les accidents, l'Oural, où existait un important combinat militaro-industriel, a été particulièrement touché. Une première fois, en 1957, je crois, une explosion se produit dans un considérable stock de déchets radioactifs situé près d'une de ces villes qu'on appelait alors interdite. Mais c'est-à-dire qu'on ne pouvait y entrer ou en sortir? Ah oui, à moins de posséder des laissés-passer en bonne et due forme. Ouais. Cette explosion, dont on ignore encore la nature, a irradié des milliers de kilomètres carrés. Mais les populations n'en ont pas été informées et les autorités ont même laissé les paysans continuer à cultiver les territoires contaminés. Ouais, le secret, toujours. Et seuls ceux qui savaient ont pu parfois s'échapper. Parfois. Mmh. Ouais. Et le même phénomène s'est reproduit 10 ans plus tard, pas très loin du site de la première explosion. Au total, des centaines de milliers de personnes ont été irradiées. Mais aucun média soviétique n'en a fait état. C'est donc eu forcément des malades et peut-être même des morts. Hein. Il était interdit d'en parler. Parfois, les médecins eux-mêmes ne connaissaient ni l'origine ni la nature du mal dont souffraient leurs patients. J'ajoute que d'autres accidents se sont produits dans des centrales nucléaires, avec quelquefois des émissions de radionucléides dans l'atmosphère. Mais heureusement, les techniciens ont pu éviter le pire. Mmh. C'était des centrales du type de celle de Tchernobyl? Oui. Ça signifie que les Soviétiques savaient depuis longtemps que ces centrales étaient dangereuses. Et surtout qu'une erreur humaine pouvait avoir des conséquences fatales, oui. Mmh. Ces installations nucléaires, dont un certain nombre continuent à fonctionner dans les pays de l'Est, sont dotées d'un système RBMK à neutrons lents, fonctionnant avec du graphite et de l'eau bouillante. Ne me demandez pas d'autres détails sur cette technologie, j'en serais bien incapable. Ce que je sais simplement, c'est que la conception de ce réacteur est directement héritée des premières centrales, celles qui permettaient aux militaires de se fournir en plutonium. Ouais. Et à l'époque, d'autres technologies existaient déjà? Bien sûr. En Occident, on a opté pour des systèmes plus sophistiqués parce que plus modernes et utilisant de l'eau légère sous pression. Toutefois, le réacteur RBMK avait un avantage notable. Il permettait d'obtenir une très grande puissance. Et puis en outre, les scientifiques soviétiques maîtrisaient déjà cette technologie. Hein. Et ils avaient affirmé aux plus hautes autorités de l'URSS que ce procédé était sûr. L'un d'eux, un académicien, le professeur Alexandrov, avait même dit « Les réacteurs RBMK ne sont pas plus dangereux qu'un samovar. On pourrait même en installer un sur la place Rouge. » Mais encore une fois, ne m'en demandez pas trop. Alors venons-en maintenant plus précisément à Tchernobyl. À Tchernobyl, je crois avoir entendu dire que ça signifie « armoise ». Et aussi noir et blanc. Noir, comme la couleur de cette terre ukrainienne très fertile. Et blanc à cause de la neige qui recouvre le sol pendant l'hiver. Ah, c'est joli. Mm-hmm. Et qui a choisi ce site pour y construire une centrale ? Plusieurs, vous voulez dire. Les autorités envisageaient d'y implanter jusqu'à 12 réacteurs. Et lorsque la catastrophe s'est produite, on commençait de construire les tranches 5 et 6. Mais à Tchernobyl, il n'y avait pas que des réacteurs nucléaires. On avait aussi édifié un énorme radar. Une installation absolument secrète qui devait être une pièce maîtresse dans la future guerre des étoiles. La population civile de l'URSS a été victime à plusieurs reprises d'accidents nucléaires. Mais, d'après Galia Ackermann, auteur chez Buchet-Chastel d'un remarquable ouvrage, Tchernobyl, retour sur un désastre, les militaires n'ont pas été mieux traités, je la cite. Semi Palatinsk au Kazakhstan, le polygone Totski au sud de l'Oural, la Nouvelle-Zemble, tels sont les noms sinistres des endroits où l'armée soviétique réalisait des essais nucléaires terrestres, aériens, sous-marins. L'ancien pilote du régiment numéro 991 SS, SS signifiant russe top secret, Sergueï Osotchouk, qui a servi entre 1956 et 1958 en Nouvelle-Zemble, racontait en 1995. Nous avons dû signer un document par lequel nous nous engagions à ne pas divulguer au cours des 25 années suivantes le secret d'État que constituait notre travail. Presque tous mes collègues de l'époque sont tombés gravement malades. Un grand nombre d'entre eux sont déjà morts. Ne pouvant supporter la souffrance physique et la solitude, certains se sont suicidés. Mais les anciens n'ont jamais partagé avec personne leurs souvenirs amers, et même les médecins n'étaient pas au courant des véritables causes de leurs maladies incurables. Ce radar de la guerre des étoiles, qu'est-ce que c'était au juste ? Appelé Tchernobyl 2, c'était pour l'essentiel une sorte d'énorme grille de 150 mètres de haut et de 900 de long. Une installation hyperpuissante capable de détecter les lancements de fusées balistiques intercontinentales. Dès leur départ, donc. Oui, ça aurait permis aux Soviétiques de riposter instantanément, ou même de mettre en œuvre des systèmes de destruction de ces missiles. Il ne faut pas oublier qu'au début des années 80, les maîtres du Kremlin vivaient dans la hantise du déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Et ils étaient même persuadés que tôt ou tard, les Occidentaux les attaqueraient. Et on était même passé très près de la conflagration nucléaire. Je crois vous avoir raconté que seul le sang-froid d'un colonel soviétique avait permis qu'on échappe au pire. Oui, car le système satellitaire avait transmis de fausses informations. Et pendant quelques longues minutes, ce colonel avait cru à une attaque de missiles balistiques. Mais prudemment, cet officier avait attendu avant de donner l'alerte. En fait, la caméra d'un satellite avait confondu des éclairs de soleil sur un lac américain avec les flammes du lancement d'une fusée. Enfin, revenons à Tchernobyl. Ce super radar, édifié pas très loin de la centrale, était bien sûr une installation ultra secrète. Et ça explique peut-être aussi qu'après l'accident, les autorités soviétiques ont refusé l'aide occidentale. Ouais, pour éviter des tentatives d'espionnage. Je le pense. Mmh. C'était une véritable obsession. Faut pas oublier que l'Ukraine et la Biélorussie, les deux républiques les plus touchées par la catastrophe, étaient les marches occidentales de l'Empire soviétique. Elles étaient donc truffées d'installations secrètes et de sites de lancement de missiles chargés d'ogives nucléaires. C'était même là, dans une usine de Minsk, qu'on commençait à construire un système qui était une véritable riposte à la fameuse guerre des étoiles de Ronald Reagan. Mais en plus du radar, alors, expliquez. Pas ce mérite de l'être, en effet, oui. Même si ça nous éloigne momentanément de la catastrophe de Tchernobyl. Mais pas tant que ça, parce que l'inventeur de cette arme secrète, le physicien Vassili Nesterenko, sera aussi l'un des maîtres d'œuvre du sauvetage de Tchernobyl. Peut-être même lui doit-on d'avoir évité une explosion nucléaire encore plus considérable et dévastatrice. Mais nous en reparlons. J'espère, hein. Oui, oui. Alors, ce système, la grande vulnérabilité de l'arme nucléaire, c'est sa visibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu de choses échappent à un satellite. Et un site de lancement de missiles passe rarement inaperçu. D'où l'idée, née dans les années 60, de concevoir des missiles itinérants. Oui, des installations mobiles, quoi. C'est ça. Des fusées montées sur de gigantesques camions, ce qu'on a appelé des mille pattes. des machines monstrueuses qu'on a souvent vues défiler sur la place Rouge. Mais les moteurs d'un missile balistique ne s'allument pas, eux, avec une boîte d'allumettes. Hein. Ils ont besoin de puissants groupes électrogènes. Avec des engins donc encombrants. Hein. Ah, forcément. Et c'est là qu'intervient Nesterenko. Il a proposé la construction de centrales nucléaires miniaturisées. Ah oui, alors, éventuellement mobiles. Oui, transportables, en effet, sur un camion ou dans un hélicoptère. C'était un vrai pari technologique. Et enfin, au milieu des années 80, Nesterenko, après des années de recherche, a réussi à mettre au point un petit réacteur capable de fournir au missile la puissance nécessaire à son lancement. Ça signifiait que, désormais, les fusées balistiques pouvaient être transportées rapidement sur n'importe quel endroit de l'immense territoire soviétique. Et elles échappaient ainsi à la surveillance des satellites. Exactement. Ouais. Et les Américains étaient au courant ? Ils savaient que les Soviétiques essayaient de mettre au point une parade à la guerre des étoiles. C'est-à-dire un système, il faut être clair, hein, qui en permettant de tuer les missiles avant qu'ils n'atteignent les États-Unis, ruinait de fait la théorie de la dissuasion. Hein. Mais grâce à l'invention de Nesterenko, Moscou rétablissait l'équilibre. Et c'était d'autant plus important pour les Soviétiques que cette guerre des étoiles que leur imposait Reagan coûtait très cher. On m'a même dit que cette dispendieuse course aux armements était l'une des causes de l'effondrement de l'URSS. C'est juste, oui. Mais nous revenons à notre sujet. La catastrophe de Tchernobyl a aussi joué un rôle dans cet effondrement. Pourquoi ? Parce qu'elle a brisé un mythe. Non seulement celui de la foi dans la toute-puissance de la technologie soviétique, mais aussi parce qu'elle a montré les nombreuses failles du système. Enfin, toutefois, n'allons quand même pas trop vite. Bien évidemment. Alors, pardon d'avoir été aussi long. Vous me demandiez qui avait choisi le site de Tchernobyl pour y implanter cette batterie de réacteurs nucléaires. Naturellement, comme toutes les décisions importantes qui étaient prises en URSS, c'est le parti qui a choisi. En l'occurrence, le numéro un du Parti communiste ukrainien. Oui, mais avec l'accord ukrainien. Bien entendu. Ouais. Politiquement, pour ce dirigeant ukrainien, c'était très important d'obtenir la construction de la centrale. Oui, ça rehaussait son prestige. Naturellement, et autant dire que le choix du site n'a obéi à aucun critère scientifique, tant les dirigeants ukrainiens étaient pressés d'aboutir et de posséder leur centrale. Vous voulez dire, alors, sans vraiment tenir compte, par exemple, du terrain ? Oui, le site retenu est sablonneux et humide. En outre, il est situé sur la ligne de rupture d'un plateau de granit. Alors, risque de séisme ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, dans les premières tentatives d'explication de la catastrophe, on parlera de tremblement de terre. Enfin, Tchernobyl se trouve à moins de 100 kilomètres de Kiev, la capitale ukrainienne, peuplée de 3 millions d'habitants. Et surtout, elle est édifiée au centre d'un réseau hydrographique très dense. Donc, en cas de fuite quelconque, les eaux de la région seraient contaminées. Alors, bon, nous n'y connaissons rien. Ni vous ni moi, mais ce choix paraît hautement contestable. C'est pour le moins qu'on puisse dire, oui. Quant à la construction, ce n'est pas mieux. Comme les choses traînent, les dirigeants font appel au Komsomol. Ouais, les jeunes communistes. Hein. Et la construction à marche forcée de Tchernobyl devient une sorte de devoir patriotique, dans la droite ligne de ce qui se faisait dans les premières années qui ont suivi la révolution d'octobre. Mais ça n'efface pas le fait que le personnel affecté à la construction est souvent incompétent, à la tête comme à la base. Quoi qu'il en soit, le premier réacteur est inauguré en 1977 avec seulement 2 ans de retard sur le plan. Et 3 autres suivent d'année en année. Mmh. Une question avant de poursuivre. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir quelques malfaçons qui pourraient expliquer la catastrophe ? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Mais étant donné la qualité de la construction dans l'ex-URSS, on peut effectivement avoir des doutes. En tout cas, lorsque le quatrième réacteur entre en service à la fin 1983... la centrale de Tchernobyl est devenue la plus importante de l'URSS. Et pour la plus grande fierté des dirigeants ukrainiens. Là. Bien sûr, et c'est vrai que l'ensemble est impressionnant. Tout y est gigantesque. Pour refroidir la centrale, on a creusé un lac artificiel de 22 km² grâce au détournement partiel d'une rivière. Et puis, il a fallu loger les techniciens et les personnels affectés à la construction des futurs réacteurs. Et pour cela, les Ukrainiens ont édifié une ville nouvelle, Pripyat, qui, au moment de la catastrophe, comptait près de 50 000 habitants. Une ville de rêve, pour l'époque. De rêve, c'est-à-dire ? Moderne et plutôt intelligemment conçue, avec crèches, bibliothèques, équipements sportifs et culturels. Bref, un confort qui était encore inconnu de beaucoup de soviétiques et offrait un cadre de vie très enviable. D'autant que les privilégiés qui y habitaient ne connaissaient jamais les pénuries de toutes sortes qui sévissaient alors encore dans l'Empire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu... Je change de sujet là. Mais est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs montrant que la centrale n'était pas sûre ? Écoutez, je vous l'ai dit, tout ce qui touchait au nucléaire était soumis au plus grand secret. Le ministre soviétique de l'énergie avait même promulgué, un an avant l'accident, un décret qui aura de graves conséquences dans les tout premiers jours qui suivent la catastrophe. De quoi s'agissait-il ? Il ordonnait en substance que toutes les informations sur les effets négatifs des installations nucléaires sur la population ou l'environnement ne devaient faire l'objet d'aucun communiqué dans la presse. Mmh. C'est parfaitement clair, ça. C'est un encouragement officiel au mensonge ou en tout cas à la dissimulation. Et ça explique pourquoi, dans un premier temps, les médias soviétiques n'ont pas fait état de la gravité de la situation. Alors, pour répondre à votre question, oui. Il y avait déjà eu à Tchernobyl des incidents plus ou moins sérieux avant avril 1986. L'un d'eux, en particulier, en 1982. Mmh. Lors du rechargement en combustible du premier bloc, le cœur du réacteur a été endommagé. Et des éléments radioactifs se sont échappés dans l'atmosphère. Mais toutefois, rien de comparable avec la catastrophe qui allait advenir et qui a concerné 9 millions de personnes. Monsieur X a longuement parlé de l'académicien Nesterenko qui a mis au point ses centrales nucléaires miniaturisées et mobiles destinées à fournir de l'énergie aux lanceurs de missiles. Ce savant donne des précisions dans un livre collectif à paraître ces jours-ci aux éditions Autrement, Les Silences de Tchernobyl. Voici un extrait de son interview. Nous étions notamment très préoccupés de la sécurité nucléaire. Le réacteur, la turbine et les autres équipements de la centrale se trouvaient dans un camion, mais son pupitre fonctionnait parfaitement à 150 mètres de distance, ce qui permettait de diminuer le danger d'irradiation pour le personnel. Ces centrales étaient destinées à travailler dans des conditions extrêmes, par exemple dans le Grand Nord ou dans le Pamir à 4000 mètres d'altitude, où elles étaient transportées par des hélicoptères. Notre centrale mobile, les militaires qui aiment les titres ronflants l'ont baptisée Pamir, était d'un poids relativement modeste, près de 100 tonnes, bien moins que n'importe quel autre modèle existant à l'époque. Avant Tchernobyl, nous avons réussi plusieurs lancements. Le mécanisme était simple. Des terrains bétonnés servaient de sites de lancement dans différents endroits de l'URSS. Une unité de troupes transportait un missile vers le site choisi, puis la centrale nucléaire mobile y arrivait. 3 ou 4 heures suffisaient pour brancher des câbles et produire l'énergie indispensable pour le lancement. Une fois le lancement effectué, les poids lourds et les hélicoptères repartaient sans laisser de traces et s'évaporaient dans la nature. Après tous ces indispensables préalables, venons-en aux circonstances mêmes de la catastrophe. Il a été décidé que le 25 avril 1986, le personnel de la centrale arrêterait le réacteur numéro 4 pour des travaux de maintenance. En même temps, les techniciens procéderaient à une expérience de sécurité. C'est-à-dire ? Bon, écoutez, je vais essayer de simplifier au maximum. Mm-hmm. Les ingénieurs voulaient vérifier si, en cas de panne d'électricité, l'énergie résiduelle fournie par les pales des turbines continuant à tourner suffirait à alimenter les moteurs des pompes du système de refroidissement. C'est excessivement important. Sans refroidissement, le cœur du réacteur fond. Oui, bien sûr. Et, bon, c'est une expérience risquée ou hasardeuse ? Bon, en principe, non, à condition de ne commettre aucune erreur. Mais c'était un samedi et les protocoles interdisaient de se livrer à ce genre de test pendant le week-end. À cause de l'absence de certains personnels, j'imagine. Évidemment. Oui, oui. On apprendra plus tard que l'ingénieur en chef était parti à la pêche ce soir-là. D'autre part, la direction de la centrale avait demandé aux instances supérieures l'autorisation de procéder à cette expérience. Mais n'ayant obtenu aucune réponse, le directeur était passé outre. C'est quand même grave, hein ? Oui, je suis d'accord. Mais la bureaucratie soviétique étant ce qu'elle était, ce directeur a dû penser que sa demande s'était égarée, ou encore que ce silence valait autorisation. Autre point délicat. Les techniciens connaissaient bien leur centrale, mais ils n'avaient pas de formation en physique nucléaire. Enfin, circonstance aggravante, il n'existait aucun système informatique permettant de pallier les erreurs humaines. Un système automatisé, vous voulez dire ? Et qui aurait programmé automatiquement l'arrêt du réacteur en cas d'accident grave, oui. Mais les concepteurs des réacteurs étaient tellement confiants dans leur machine qu'ils n'avaient pas prévu cette sécurité informatique. Enfin, quoi qu'il en soit, la manœuvre commence le 25 en début d'après-midi. Mais à la demande du centre de distribution électrique de la région, le réacteur est maintenu à mi-puissance. Oui, afin de continuer à fournir de l'électricité aux habitants de la région. Exactement, oui. Et la réduction de la puissance ne reprend qu'en fin de soirée, vers 23 heures. Toutefois, les opérateurs au pupitre observent que cette réduction est excessive et que le réacteur ne semble plus stable. Cependant, cela ne les empêche nullement de continuer l'expérience prévue. Et ils mettent même hors circuit des systèmes de sécurité d'urgence, jusqu'au moment vers 1h20 du matin où ils constatent que le réacteur s'emballe. Alors, que faire alors ? La procédure prévoit un arrêt d'urgence. Pour éviter l'emballement de la réaction en chaîne, on déclenche la descente dans le cœur de barres mobiles qui absorbent les neutrons. Mais paniqué, le chef opérateur attend 30 secondes avant de commander cette manœuvre. Et il est déjà trop tard et les barres mobiles ne descendent qu'à moitié dans le cœur. Ce qui a pour effet de provoquer une accélération de la réaction en chaîne. Alors maintenant, c'est une accélération qu'on ne peut plus arrêter. Eh oui, bientôt, c'est l'explosion. Deux explosions, en fait. D'une puissance tout à fait considérable, puisque la dalle de béton de 2000 tonnes qui recouvrait le réacteur est projetée en l'air, en même temps qu'une cinquantaine de tonnes de matière radioactive qui gagne la haute atmosphère. Ah, c'est le fameux nuage de Tchernobyl, ça. Oui, mais enfin, on y reviendra si vous le voulez bien, parce que ces nuages radioactifs vont donner lieu à de multiples polémiques et mensonges, y compris jusqu'à aujourd'hui. Oui, pas seulement en Europe de l'Est. Hein. Oui, vous avez raison, chez nous aussi. Vous savez que ce point a déclenché de nombreuses polémiques. Enfin, inutile d'y revenir. Alors, voyons ce qui se passe sur place. Aussitôt après ces formidables explosions, la centrale de Tchernobyl brûle. Et le cœur du réacteur numéro 4, désormais à l'air libre, est comme une sorte de volcan. Un geyser de feu qui projette des matériaux hautement irradiés tout autour. Sur le sol, mais aussi sur le bâtiment du réacteur jumeau, le numéro 3. Qui déclenche les incendies aussi. Obligatoirement. Ouais. Et pour les premiers pompiers appelés à la rescousse, est une vision d'apocalypse. Un champ de ruines en feu. Les pompiers qui, il faut le souligner, essaient d'éteindre ces incendies sans se rendre compte du danger qu'ils courent. D'ailleurs, le saurait-il qu'ils ne pourraient pas en faire la preuve, car les rares de s'y mettre en service à Tchernobyl sont incapables de mesurer de tels taux de radiation. Alors, ces pompiers sont donc condamnés. D'autant que, croyant avoir affaire à un incendie ordinaire, ils ont pénétré sur les lieux de la catastrophe dans leur tenue habituelle. Mais donc sans combinaison de protection contre les rayons. Et ils seront les premières victimes d'une longue liste. Est-ce qu'à Moscou, on a été très vite informé ? Oui. Gorbatchev est alerté au petit matin. On lui dit qu'un accident grave suivi d'un incendie s'est produit à Tchernobyl. Et c'est une nouvelle preuve de la nocivité d'un système où chacun essaie de diluer ses responsabilités. On ne l'informe pas que le réacteur a été endommagé. C'est un point très important. Car s'il avait été tout de suite au courant, Gorbatchev aurait sans doute agi autrement. Et pris d'autres mesures d'urgence. C'est évident. Oui, au lieu de quoi, il se contente de demander la constitution d'une commission gouvernementale. Et il faudra attendre que d'importants responsables, et surtout des savants, se rendent sur place et même survolent en hélicoptère le réacteur pour que Moscou réalise enfin qu'il venait de se produire un accident majeur, la plus grande catastrophe de l'ère du nucléaire civil. Ouais. Alors, quand la vérité éclate-t-elle enfin ? On a déjà perdu beaucoup de temps. Par exemple, on a tardé à fixer une zone de sécurité et à évacuer les habitants et les personnels exposés aux radiations. Mais dès que les autorités prennent conscience du danger, elles réagissent avec célérité. C'est alors un véritable élan patriotique qui saisit les citoyens de l'URSS. Un peu comme pendant la Grande Guerre patriotique, justement. Oui, la guerre contre l'envahisseur hitlérien. Hein. Oui, des centaines de milliers de liquidateurs, comme on va les appeler, sont alors envoyés à Tchernobyl. Pour lutter contre la contamination, pour noyer le réacteur sous des milliers de tonnes de sable et de plomb. Une guerre impitoyable contre l'atome. Efficace ? Certainement. Mais mal préparés à affronter une telle catastrophe, manquant de matériel, de protection, les autorités ont dû improviser et envoyer sciemment à la mort par irradiation un bon nombre de ces liquidateurs. Les robots biologiques, comme ils s'appelaient eux-mêmes, avec une terrible ironie, car les circuits des vrais robots ne résistaient pas aux radiations. Ouais, tandis que les hommes... En travaillant sur de très courtes périodes, ils pouvaient résister, même s'ils étaient dangereusement contaminés. Mais là encore, il fallait garder le secret. Le secret qui était au cœur du système soviétique. Le secret et la désinformation. Car pour rassurer la population et ses liquidateurs, les autorités du nucléaire n'ont eu rien de plus pressé que d'élever les taux de radiation mortelle pour l'homme. Mais si vous en êtes d'accord, nous poursuivrons la semaine prochaine, car la catastrophe de Tchernobyl dissimule encore bien d'autres mystères. Svetlana Alexievitch est une journaliste biélorusse qui a longuement enquêté sur Tchernobyl et qui a d'ailleurs été aussi irradiée en se rendant sur les lieux. Elle a publié un livre bouleversant, « La supplication, Tchernobyl, chronique de notre monde après l'apocalypse », une suite de témoignages bruts recueillis sur place. Ainsi, ce jeune soldat mobilisé pour aller nettoyer Tchernobyl, inconscient du danger, mal informé et désireux par-dessus tout d'accomplir un acte héroïque, il raconte. Eh bien, nous y sommes allés à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque de gaz. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillions en bas à sortir les décombres et gratter les surfaces, et une journée en haut sur le toit du réacteur. À l'appel, les robots ne fonctionnaient plus, les appareils et les machines devenaient dingues, mais nous travaillions et nous en étions fiers. Nous sommes entrés. Une pancarte annonçait « Zone interdite ». Je ne suis pas allé à la guerre, mais j'avais le sentiment de quelque chose de connu. C'était quelque part dans ma mémoire. Impossible de dire d'où cela venait, mais c'était lié à la mort. En chemin, nous croisions des chiens et des chats errants. Parfois, ils se comportaient bizarrement et fuyaient les gens. Je ne comprenais pas ce comportement jusqu'au moment où on nous a ordonné de tirer systématiquement sur eux. Les maisons étaient sous-scellées. Les machines agricoles des kolkhozes abandonnées. C'était un spectacle intéressant. Il n'y avait personne à part nous, les patrouilles de la milice. Nous sommes allés faire des photos dans le bloc près du réacteur. Nous avions envie de nous en vanter à la maison. Nous avions peur et en même temps une curiosité irrésistible nous poussait. Moi, je n'ai pas pris de risque. Je pensais à ma femme qui est jeune, mais beaucoup de gars prenaient un grand verre de vodka et y allaient. Le livre de Svetlana Alexievitch a été publié en France chez Lattès. Je voudrais aussi vous souligner la récente parution d'un exceptionnel document aux éditions des Arènes, le journal et les photos d'un reporter ukrainien, Igor Kostin, qui le premier a pris des images de Tchernobyl et n'a cessé ensuite d'y revenir au risque d'en mourir.